comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 19e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine. Alors que c'est le début d'une nouvelle session universitaire qui commence pour de nombreux étudiants partout à travers la province. J'en profite pour saluer plus spécialement aujourd'hui les étudiants et les étudiantes qui nous écouteraient pour la première fois en direct, en particulier en provenance de l'UQAM, l'Université de Montréal, Concordia et McGill. Bien sûr, je n'oublie pas au passage les auditeurs de l'UQTR et de la Mauricie qui nous suivent et qui nous supportent depuis le tout début de cette aventure au mois de septembre dernier. Sur ce point, je vous rappelle que tous nos épisodes se retrouvent sur la plateforme Internet Archive et sont disponibles en tout temps en balado et en écoute continue. Je m'en voudrais aujourd'hui de ne pas commencer l'émission en parlant un peu d'actualité, alors qu'on a eu droit à l'une des plus grosses nouvelles depuis plusieurs années concernant les relations entre le Canada et la Chine. En effet, on apprenait récemment que le premier ministre Mark Carney se rendra en Chine pour une visite protocolaire de quelques jours du 13 au 17 janvier prochain, ce qui représente une première depuis l'année 2017. La rencontre entre Mark Carney et Xi Jinping devrait permettre un réchauffement des relations entre les deux pays et ainsi faire ressortir de nombreux enjeux diplomatiques et économiques très importants qui ont marqué leurs relations au cours des dernières années. Pris entre l'arbre et l'écorce de la guerre commerciale et géopolitique qui sévit depuis de nombreuses années entre la Chine et les États-Unis, les relations commerciales des deux pays sont marquées par des échanges de tarifs interposés qui ont régulièrement fait les manchettes. On parle par exemple des tarifs douaniers de 100 % imposés par le Canada face aux voitures électriques chinoises et des tarifs chinois imposés face aux produits agricoles canadiens dont le porc, le canola et quelques autres céréales. Mais n'oublions pas qu'au-delà des questions strictement commerciales, il y a aussi de nombreux enjeux politiques qui risquent de se retrouver sur la table des discussions, incluant les postes de police chinois en sol canadien ou l'ingérence politique étrangère dans le cadre des élections fédérales, deux sujets qui ont régulièrement fait la manchette au cours des dernières années. On ne peut pas non plus passer sous silence l'hiver diplomatique dans lequel les deux pays se sont retrouvés depuis l'emprisonnement des deux Michael en Chine en décembre 2018, qui faisait suite à l'arrestation de Meng Wanzhou à Vancouver le 1er décembre de la même année. Il y aura bien sûr des sujets qui seront évités et d'autres qui seront abordés de manière superficielle, comme la question des Ouïghours, ou celle de Taïwan. Mais chose certaine, tous les yeux du monde seront tournés vers cette rencontre bilatérale de haut niveau, alors que l'échiquier mondial se redessine lentement sous nos yeux. Je disais en début d'émission qu'on soulignait aujourd'hui le début d'une nouvelle session. Une nouvelle session universitaire qui commence, mais c'est aussi la période de l'année, en ce début du mois de janvier, au cours de laquelle plusieurs d'entre nous se retrouvent confrontés aux défis que représentent le maintien et la persévérance face aux résolutions du nouvel an. Alors que les relations entre le Canada et la Chine se préparent à entrer dans une nouvelle ère, je voudrais en profiter pour dédier l'émission d'aujourd'hui à toutes celles et ceux qui se lancent dans de nouveaux projets. Celles et ceux qui cherchent une façon de tourner la page sur un passé obscur, celles et ceux qui ont la volonté de mettre en œuvre l'effort requis pour accomplir de nouveaux rêves. Et pour commencer cette émission qui ouvre la voie vers un nouveau monde de possibilités, on se lance en musique avec une chanson tirée de l'un des meilleurs albums de tous les temps. L'année 1994 a été une année extrêmement importante dans ma vie. Et c'est aussi cette année-là qu'est paru cet album phare de Tou Wei, un artiste qu'on a déjà entendu sur nos ondes. Un album qui s'intitule « Heimong », ce qui signifie « rêve obscur ». Je vous propose aujourd'hui la chanson d'ouverture de cet album. C'est une pièce qui nous invite à cheminer avec confiance et à ne pas hésiter, à tourner le dos aux gloires d'hier et aux saveurs fades du monde, afin de trouver en soi, au fond de son propre cœur, la force, le courage et le discernement qui nous permettent d'avancer avec espoir vers demain. Le titre de la chanson est « Mingtian Gong Mang Chang », ce qui signifie « Demain durera encore plus longtemps ». Voici donc la pièce « Mingtian Gong Mang Chang » interprétée par To Wei. Thank you. Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à reprendre la suite de notre récit sur l'histoire de la Chine à dos de tortue. Alors que nous avons parlé la semaine dernière de la fin de la dynastie Ming au 17e siècle. Plusieurs causes ont été identifiées par les historiens pour tenter d'expliquer les raisons du déclin de la dynastie Ming et pendant longtemps, on a souligné la crise politique engendrée par les rivalités de palais et le rôle joué par les eunuques, ce qui est un facteur extrêmement important pour expliquer la désorganisation politique de l'époque. Mais avant de poursuivre, je voulais revenir brièvement sur ce sujet pour présenter un livre de Timothy Brook publié en 2023 aux presses de l'Université de Princeton, un livre qui s'intitule « The Price of Collapse ». The Little Ice Age and the Fall of the Ming. Inspiré par les progrès récents de l'histoire environnementale, l'auteur montre que la hausse des prix qui avait lieu en Chine dans la première moitié du 17e siècle n'était pas simplement liée à la rapacité des fonctionnaires ou à l'augmentation du commerce international, mais aussi à ce qu'on nomme un petit âge glaciaire, plongeant les populations les plus vulnérables face à une rareté des ressources alimentaires disponibles, ce qui vint augmenter les pressions sociales et qui permet, en retour, de mieux comprendre la multiplication des soulèvements populaires. La chute de la dynastie Ming a conduit à son renversement et à l'établissement d'une nouvelle dynastie, qu'on appelle la dynastie Qing, qui prit le contrôle de la ville de Pékin à partir de 1644. Mais avant de poursuivre la séquence chronologique qui nous amènerait à parler dans le détail de la dernière dynastie de l'histoire impériale chinoise, on va prendre un pas de recul aujourd'hui et on va revenir à la base de ce que peut signifier étudier la Chine depuis l'extérieur, soit étudier la Chine à partir du regard de l'étranger. En fait, d'une certaine manière, aujourd'hui commence le premier véritable cours, le point de départ de toute notre aventure qui visait à mieux comprendre la Chine. Quand on étudie la Chine de l'extérieur, on est bien sûr frappé par la quantité incommensurable d'informations qu'on peut trouver sur une quantité innombrable de sujets à travers les âges. En étudiant la Chine, on se rend compte aussi très rapidement que nous ne sommes pas les premiers à s'être questionnés sur l'histoire et la culture de l'Empire du Milieu. En fait, étudier la Chine conduit nécessairement à une révélation d'humilité, un constat tout simple qu'on pourrait résumer de la manière suivante. Le regard extérieur que nous posons aujourd'hui sur la Chine se nourrit d'une histoire très vaste et très riche de regards extérieurs qui nous ont précédés et qui ont été posés sur la Chine à travers les âges. Et c'est précisément l'épaisseur temporelle de cette représentation de la Chine depuis l'extérieur que nous proposons d'aborder dans le 8e chapitre qui débute à l'instant. En fait, si nous prenons la peine d'ajouter la perspective du regard de l'étranger sur la Chine pour mieux comprendre son histoire, c'est pas simplement pour en déceler des trames qui nous sont plus familières. C'est aussi parce que nous croyons, un peu à la manière de l'historien Ge Chaoguang, que la rencontre de la Chine avec l'étranger nous offre un angle d'analyse privilégié. Un prisme d'une valeur inestimable qui permet d'enrichir de manière considérable la compréhension que nous avons de son histoire. Contrairement aux idéologies politiques qui tendent à concevoir l'étranger comme une menace de laquelle il faudrait toujours se méfier, nous croyons que la rencontre avec l'altérité doit être vu comme l'un des moteurs par excellence de l'histoire mondiale et de l'histoire des civilisations. Par contre, Par souci de simplification, nous n'aborderons pas l'histoire des regards de la Chine sur le monde, ce qui est en soi un sujet fascinant sur lequel nombre d'historiens chinois, incluant justement Ge Chaoguang, se sont penchés avec brio. Et nous n'aborderons pas non plus tous les regards extérieurs sur la Chine. En fait, nous nous concentrerons plus spécifiquement sur l'histoire des relations entre la Chine et l'Occident dans un chapitre qui s'intitule « Les Occidentaux en Chine » de Marco Polo à Matteo Ricci. Ce chapitre nous permettra de couvrir grosso modo l'histoire de la Chine depuis la dynastie Han jusqu'à la dynastie Qing, que nous aborderons plus spécifiquement au chapitre suivant. Le chapitre 8, qui commence à l'instant, est divisé en quatre parties qui sont d'abord Marco Polo et l'héritage des routes de la soie. Nous verrons ensuite Matteo Ricci et la mission jésuite de l'époque moderne. Puis, comme troisième point, nous aborderons la querelle des rites chinois. Et nous finirons ce chapitre en parlant d'une dynamique historique très importante qu'on nomme de la sinophilie à la sinophobie. Nous verrons donc au cours de ce chapitre que le regard que nous posons depuis l'extérieur de la Chine s'est en fait nourri d'un vaste bagage de connaissances sur la Chine accumulé au fil des siècles. Puis, après cette prise de conscience sur l'étendue et la profondeur du « depuis où on s'exprime » et du « à partir de quelle perspective on le fait », nous serons en mesure d'aborder au fil des chapitres suivants l'enchevêtrement d'une rencontre brutale entre la Chine et l'Occident, plongeant la Chine moderne sur la voie troublée du monde contemporain. Mais avant d'y arriver, commençons par le premier point du chapitre 8 intitulé « Marco Polo et l'héritage des routes de la soie ». Les échanges entre la Chine et l'Occident ont débuté très tôt dans l'histoire et ils étaient marqués d'un ensemble de caractéristiques récurrentes, à commencer par le fait que, puisque les distances entre la Chine et les pays de culture européenne sont immenses, les contacts étaient très rares et ils impliquaient nécessairement de nombreux intermédiaires culturels. Celles et ceux qui ont déjà joué au jeu du téléphone comprendront de ceci que, dans l'histoire des relations entre la Chine et l'Occident, il n'est pas rare de trouver des déformations et des imprécisions dans les représentations et les mémoires au sujet des événements vécus. On sait, par exemple, qu'à l'époque de la dynastie Han, qui était contemporaine de l'Empire romain, les deux empires avaient une connaissance mutuelle fragmentaire au sujet de l'existence d'un vaste empire prospère qui se trouvait à l'autre bout du continent eurasiatique. Pour les Romains, on connaissait depuis environ le 4e siècle avant notre ère le pays des gens de Cérès, c'est-à-dire ceux qui fabriquent la soie. Pline l'Ancien, qui a vécu entre l'an 23 et l'an 79 de notre ère, a même décrit le procédé de la fabrication de la soie dans son Histoire naturelle. La soie était alors un produit qui était très prisé dans l'aristocratie romaine. L'empereur Marc Aurèle a même envoyé une ambassade vers la Chine en l'an 166 de notre ère. Du côté de la Chine, l'intérêt pour les routes commerciales de l'Asie intérieure s'est développé à partir de la dynastie Han, notamment pour assurer un approvisionnement régulier en chevaux. Et Chang Tian fut dépêché dans le cadre d'une ambassade vers les régions de l'Asie intérieure entre 139 et 126 avant notre ère. Au 1er siècle de notre ère, le général Pan Chao dépêcha un dénommé Gan Ying vers Rome en 97 de notre ère et celui-ci atteignit la région de la mer Noire. En fait, les Chinois connaissaient surtout l'Empire romain d'Orient, qu'ils appelaient le Grand Qin, Ta Qin, et c'est ainsi qu'on faisait mention dans les archives impériales de l'ambassade reçue depuis Rome en l'an 166 de notre ère. Si on regarde brièvement à l'époque de la dynastie Tang, qui était très cosmopolite et dont les liens avec l'Asie intérieure via les routes de la soie étaient encore plus développés qu'à l'époque de la dynastie Han, les relations entre la Chine et l'Occident ont continué à se développer. On sait, par exemple, que le christianisme a proliféré dans quelques villes chinoises et qu'il y avait une église nestorienne relativement prospère en Chine, comme en témoigne la stèle de Xi'an, qui est une source épigraphique de premier plan. On sait aussi, grâce aux découvertes archéologiques, que des communautés chrétiennes étaient présentes dans certaines villes du littoral. Mais c'est surtout à partir du 13e siècle, suite à la conquête de l'Asie par les Mongols, résultant en la fondation de la dynastie Yuan en Chine, qu'on assista à une augmentation considérable du volume des échanges entre les différentes régions de l'Asie. Comme nous l'avons mentionné au début du chapitre précédent, la Pax Mongolica a facilité de manière significative la circulation des biens et des personnes sur l'ensemble du réseau eurasiatique que nous appelons les routes de la soie. Conséquemment, les relations entre la Chine et l'Occident atteignirent de nouveaux sommets. Mais avant de poursuivre sur cette question, on se tourne tout de suite vers une pièce musicale qui nous ramène à l'idée du commencement de la session dont nous avons parlé en début d'émission, rejoignant l'idée d'un début d'année, voire d'une nouvelle ère des relations sino-canadiennes qui se prépare. Et pourquoi pas, une nouvelle vie dans laquelle certains s'apprêtent à plonger. La deuxième pièce de la journée est jouée au goutine, un instrument à cordes qui se joue aussi sur une table, mais dont la sonorité est très différente du goucheng, notamment en lien avec le nombre de cordes et la manière plus langoureuse dont celles-ci sont pincées. La pièce s'intitule « Chutien », ce qui signifie « première rencontre », une pièce tirée de la série « Tongong », le palais oriental, et j'en profite pour offrir une salutation spéciale aux étudiants qui nous écouteraient aujourd'hui pour la première fois. Voici donc « Chutien » pour souligner cette première rencontre, une pièce interprétée au goutine, et nous, on se retrouve tout de suite après la pause.